Amis golfeurs, l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités sur le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin. Régalez-vous de nos exquises rosettes de saumon farcies au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. De golf avec notre ami Gilles Larouche du club de golf de Saint-Prime. Bon, il y a pas mal d'activités. Évidemment, c'est la période morte pour les tournois. Par contre, c'est là qu'on espère évidemment attirer le plus de monde possible. Salut Gilles! Bonjour. Oui, ça va bien. Gilles, effectivement, les tournois bénéficent. C'est un petit peu plus tranquille de ce temps-ci. Oui, au niveau des tournois, ben c'est volontaire. C'est que c'est une période qui est fort achalandée par les joueurs journaliers. Okay. Alors, quand on fait la planification annuelle, on tente le plus possible de ne pas mettre de tournois pendant la période du mois de juillet. Okay, okay. Alors, monsieur et madame tout le monde qui a le goût de venir, disons, s'exercer sur un terrain de championnat de grande qualité. Alors, le club de golf Saint-Prime est un excellent. Okay. Si on y allait maintenant avec les nouvelles, d'abord, avant de parler de ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine au club de golf de Saint-Prime? Bien, nous, ce qui s'est passé, c'est que c'est sûr qu'on fait plein de promotions, on organise des activités pour des membres, des non-membres. Comme à chaque deux semaines, on a la soirée des dames. On a eu récemment, on a dû la reporter la semaine dernière pour raison climatique. Ça a lieu ce soir. On a encore tout près de 20 dames qui viennent suivre des leçons, viennent vivre un beau moment social en compagnie de notre directeur golf, Jonathan Lambert. Okay. Et disons qu'à chaque journée, on a des activités, on a des thématiques. Et disons que c'est fort populaire. Okay. Le club de golf Saint-Prime, on le sait qu'on vient de loin. On est parti dans la bonne direction, puis les gens participent en grand nombre. Ah, ben c'est le fun. Tu sais, quand tu as une organisation, quand tu as du leadership en haut, ben c'est sûr qu'en bas, ça se poursuit. On va parler de la configuration du double neuf. Oui. Hier, pour peut-être faire une synthèse, c'est que nous, on a dû vendre des terrains pour assurer la pérennité du club de golf. Okay. Et pour faire ça, on a dû reconfigurer. On a débuté les travaux l'année dernière. Et hier a été une étape vraiment importante parce qu'on a fait l'installation de trois ponceaux. Okay. Trois ponceaux sur le deuxième neuf. C'est magnifique. J'invite les gens à venir nous visiter et à venir voir là, à travers les fontaines qui jaillissent. C'est vraiment spectaculaire. Mais au-delà de ça, c'est qu'on va faire une inauguration très bientôt, c'est-à-dire lors du Mega Weekend Golf. On le sait que, puis je vous rappelle qu'on a une activité qui s'appelle le Skin. Ouais. Quand on va débuter cette activité-là, nos quatre participants, qui sont P.A. Bédard, Kevin Fortin, Simard, on a Jonathan Lambert et le capitaine. Daniel Melançon, oui, Daniel Melançon, notre tête d'affiche. Ils vont débuter l'activité sur le nouveau neuf configuré. Daniel Melançon de TVA Sport, pour les gens qui se posent des questions, là, c'est de Daniel Melançon Golf Mag. Mais c'est un bon animateur, c'est un bon golfeur ou vous le prenez tout simplement parce qu'il anime Golf Mag et il va être bien content de jouer? Ben, je dois dire qu'il y a trois phénomènes. Okay. Un excellent golfeur. Ouais. Il y a environ deux d'handicap. Ensuite, excuse-moi, je viens d'être dérangé. Yanim Goldberg. Okay. Et le troisième, disons que les dames le trouvent assez coquet. Ben, c'est sûr que c'est un beau gars. On s'attend d'attirer une clientèle féminine, on entend déjà parler, mais c'est un tout. Et on va profiter de cette occasion. Golf TVR Sport va être ici pour faire l'inauguration, prendre des images. Mais c'est sûr que ça va être symbolique parce que quelques jours à l'avance de cet événement-là, question de respect pour nos membres, on va permettre de d'œuvrer sur le niveau. OK. 9. Donc, si on y allait maintenant avec également, ça va se faire durant le week-end golf, si on y allait maintenant avec une belle activité pour le cancer du sein, il y a un tournoi qui va avoir lieu mardi prochain. Oui, mardi prochain, vers la fin de la journée. c'est un événement qui s'appelle Vers la guérison. Ce sont un groupe de membres ici qui se sont mobilisés pour amasser des fonds au profit du cancer du sein. Et chaque individu qui va s'inscrire doit recueillir 5 dons de 10 $. On s'attend que ce soit très populaire. En plus, ça va être une compétition amicale. Ils vont jouer au golf. On a un événement qui s'appelle le Hot Yoga. Pose-moi pas trop de questions par rapport à ça. Là, c'est vraiment un événement de yoga des années 2000. Très populaire, le yoga. Qui est animé par Mme Julie Gauthier. Okay. Et on va avoir un drone qui va se passer sur notre terrain. Il y a un drone qui va circuler. On veut en faire vraiment. On va mettre ça sur Facebook par après. Ça va être très spectaculaire et pour une bonne cause. OK. OK. L'objectif, y a-t-il un objectif particulier? C'est sûr que tu es mal placé pour parler de l'objectif, là. Non, il n'y a pas d'objectif vraiment de cibler. C'est vraiment de ramasser des fonds, de créer un événement. C'est une première. Un événement social, créer un engouement. Puis pour la suite, réfléchir, c'est vraiment expérimental pour une deuxième année. Où est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait se placer... OK. Ben, Gilles, ça fait pas mal de tour pour cette semaine, je pense, au club de golf de Saint-Prime. OK, oui. Fait qu'on se reparle mardi ou mercredi prochain. Monsieur Veilleux, je vous souhaite... Toi, pareillement. Donc, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Lavoie.